venga, venga, baila. Venga, venga, baila. Venga, venga, baila. Venga, venga, baila. Habillé chez des grands couturiers, j'ai jeté les clés aux voitures. Pour boire de pingles, dans de voyous, dans de guerriers. Là tout de suite il me faut un million, un petit massage avec finition. Quand on arrive ça sent la corruption, je roule en hybride, je fais pas de pollution. Je lève mon verre aux absents, ces billets classe qui sont brillants. Je lève mon verre aux absents, faut tomber pas tout en prison. Les sacs vides tombent dans le coffre, dans le club, dans le bloc, on s'adapte à l'époque. Je partage la cagnotte, on sirote le sirop, baby t'es mon copilote. Gauche droite, ça ça ouraille, on t'apprend la danse des voyous. Brave les dangers, pas que les représailles, ça c'est la danse des voyous. La rue nous colle à la peau, on va finir par se décimer. J'ai mon cigare, mon chapeau, je vais vivre les rêves que j'ai dessinés. Ça c'est la danse des voyous, on t'apprend la danse des voyous. Vas-y danse comme un voyou, on t'apprend la danse des voyous. Laissez danser avec les stars, nous avec les stars on star. Petit comment te chanter l'espoir, ils vont te soulever dès le soir. Ce monde est fou, je te l'ai déjà dit, passer la trentaine c'est un exploit. J'avais des rêves mais c'était jadis, je n'ai jamais voulu qu'on m'exploite. Alors on danse les bras écartés, en attendant la prochaine bastos. Tu fais le fou mais tu vas casser, à trop vouloir jouer le cassos. Gauche droite, salsa ou rail, on t'apprend la danse des voyous. Brave les dangers, pas que les représailles, ça c'est la danse des voyous. La rue nous colle à la peau, on va finir par se décimer. J'ai mon cigare, mon chapeau, je vais vivre les rêves que j'ai dessinés. Ça c'est la danse des voyous, on t'apprend la danse des voyous. Vas-y danse comme un voyou, on t'apprend la danse des voyous. Venga, venga, baila. Venga, baila. Venga, venga, baila. Venga, venga, baila. Venga, venga, baila. Venga, venga, baila. Venga, venga, baila. Venga, venga, baila. Gauche droite, salsa ou rail, on t'apprend la danse des voyous. Brave les dangers, pas que les représailles, ça c'est la danse des voyous.